Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Les ondes de CKJ, Michel Tifot et Dominique Bolduc ont parlé avec le commissaire de la Ligue du Lac-aux-Feuves, Mathieu Garon. Donc, on écoute cette entrevue et on a une belle primeur. Wendake va joindre les rangs de la Ligue du Lac-aux-Feuves la saison prochaine. Garon, bonjour Mathieu. Bonjour Michel, bonjour Dominique. Allô. Deux saisons complètes. Et ce qui m'impressionne dans votre ligue de hockey, un, c'est le calibre, puis deux, il y a des soirs qu'il y a du monde pas à peu près. Si je te demandais de nous faire un bilan de la saison 2018-2019, Mathieu? Écoute, je pense qu'on a quand même eu une très bonne saison pour une deuxième année. C'est sûr que le calendrier au début de la saison n'a pas été trop évident pour cette organisation. Mais par contre, on a pu corriger un peu en fin de saison pour aider les équipes à avoir des meilleurs horaires pour accueillir des partisans. C'est sûr que quand on regarde les séries éliminatoires, je pense que c'est l'endroit où on a le plus de stands. Puis on l'a remarqué beaucoup dans la série finale où on a battu des records de l'année passée, jour après jour. Juste les deux derniers matchs à Delbo, on a atteint 1100 personnes pour le deuxième match de la série. Et pour le quatrième match, on a atteint 1150 personnes. Donc, c'est vraiment très bon. Puis pour le septième match qui a eu lieu ce dimanche passé, malgré que c'était un dimanche soir à 20h, vous savez un peu les raisons pourquoi on n'a pas eu le choix de mettre le match à 20h. C'est surtout en raison de la non-disponibilité des glaces qu'on avait à cause de plusieurs tournois amateurs qui avaient lieu dans la région. Bien, on a quand même eu 650 personnes dans les estrades, plus 80 personnes qui ont assisté au match par web diffusion. Fait que je pense que on a eu un très, on peut dire que le calibre qu'on a eu, l'assistance, la présence un peu de la ligue a vraiment monté là en fin de saison. Une bonne décision que vous avez prise cette année, je pense, Mathieu, c'est le déménagement du MGR du côté de la baie. Ça a été positif. Ben effectivement, je crois que Bob Desjardins avait vraiment la bonne idée de pouvoir proposer son déménagement. Comme j'avais déjà mentionné, Jonquière et les Marquis, Stoutini, les Saguenayens, Arvidol mis à 3A, et l'Abbé, il n'y avait aucun gros calibre de hockey qu'on présentement. Donc, c'est pour ça que l'Abbé, je crois qu'elle était vraiment la meilleure place pour pouvoir aménager le club senior. Et je crois que ça a été un franc succès, là, vu la participation des poules et tout. Et je peux dire que dimanche soir, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues me voir pour quasiment me remercier, mais c'est plus remercier Bob Desjardins d'avoir fait le septième match vraiment à la baie, parce que les gens de la baie vraiment tenaient à être présents. Fait que, je pense que la population de la baie va s'approprier dans les prochaines années de l'équipe de Saguenay. Mathieu Caron, qui est le commissaire de la Ligue, est-ce que tu peux être rassurant envers les joueurs, les organisateurs, les dirigeants, les fans et partisans? Parce qu'il y avait plein de rumeurs à la fin de l'année qui disaient « Ah, ça va être la dernière année ». Qu'en est-il de l'avenir de votre Ligue? Hier soir, j'ai pu avoir la confirmation que les quatre équipes vont être de retour l'année prochaine. J'ai demandé dès la fin de la série à chaque organisation, même si c'est pas, on va dire, même s'il y a plusieurs choses à modifier sur une réglementation, territoire et tout, bien, chaque équipe m'a confirmé qu'il allait revenir l'année prochaine, bien sûr, et certain. Bon. Et la nouvelle que je peux annoncer maintenant, c'est que l'année prochaine, on va avoir un cinquième club qui va se joindre à la grande famille de la Ligue d'hockey senior du Lac-aux-Fleuves. Ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dans l'ombre à ce sujet-là. Mais on peut dire que j'ai eu la confirmation hier, mais ça fait quelques jours que je sais que l'équipe de Wendake va venir se joindre dans nos rangs. Une très belle organisation. Le cahier de charge a été présenté à tous les gouverneurs qui sont vraiment satisfaits un peu de leur préparation pour l'année prochaine. Je suis vraiment très heureux de pouvoir accueillir le Wendake dans notre ligue l'année prochaine. Alors, Wendake, tu nous l'annonces en primeur, devient la cinquième équipe dans la ligue du lac au fleuve. Avec l'acquisition d'une cinquième formation, allez-vous travailler pour y aller pour une sixième équipe l'an prochain? Bon, on va commencer à y aller un, si on peut bien dire. C'est sûr qu'on avait trois places, on regardait cet hiver-là, à savoir si on pourrait avoir une autre équipe. Mais le meilleur plan qu'on avait, c'est vraiment le Wendake, qui était vraiment une place qui était plus proche un peu de la région, pour éviter le voyagement là, et trop de voyagement. Là. Mais c'est sûr que peut-être si au cours du printemps ou au cours de l'été, il y a une autre organisation qui veut présenter un projet d'avoir un club et c'est vivable, ben on va regarder à ça. Mais pour l'instant, moi, à date d'aujourd'hui, je peux annoncer en primaire que l'année prochaine, on est sûr de partir avec 5 équipes là, la saison 19-20. J'ai besoin d'une autre confirmation, Mathieu. Est-ce que le commissaire qui est là depuis plusieurs mois, le Mathieu Caron, est-ce qu'il est de retour la saison prochaine comme commissaire? Ben, afin de démentir certaines rumeurs qui ont circulé dans les réseaux sociaux, je peux dire que oui, je vais être de retour l'année prochaine. Je vais être honnête là-dessus. J'ai eu deux organisations dans la Ligue GMS qui m'ont approché pour pouvoir devenir leur président là l'année prochaine, là, parce que le poste de président tombe en élection. J'ai suivi toutes les choses possibles. C'est sûr que moi, ma première passion, c'est pas de gérer des ligues, c'est l'arbitrage. Fait que j'essayais toujours de trouver une façon où je vais pouvoir continuer à arbitrer un calibre vraiment plus élevé où je suis rendu. Mais en fin de compte, avec la nouvelle que j'ai eue cette semaine, puis avec plusieurs autres projets côté personnel et professionnel qui s'en viennent dans la prochaine année, j'ai décidé vraiment de rester au sein de la Ligue d'Hockey Seniors avec au club. Je crois que les gouvernants sont bien satisfaits de mon travail, ce que j'ai pu comprendre dans les dernières discussions que j'ai eues avec eux autres. Fait que c'est pour ça que je vais rester au sein de la Ligue dans l'année prochaine pour encore une année, c'est sûr. Mon contrat se termine pour la saison prochaine, donc on verra par la suite. Donc, c'est vrai, par exemple, que tu as eu des approches de la Ligue junior régionale? Oui, effectivement, j'ai eu des approches de la Ligue junior, mais j'ai jamais voulu prendre le poste. C'est des organisations qui sont venues me voir, qui me l'ont proposé, mais comme que j'ai regardé les pour et les contre, et tout, mais j'ai vraiment plus décidé de me concentrer sur ma ligue et sur ma ligue professionnelle. Pour l'an prochain, Mathieu, est-il possible qu'il y ait des matchs intra-ligue avec la Ligue senior de la Côte-Sud, la ligue où je joue Montmagny, là, par exemple? Bien, on regarde ce plan-là. L'équipe, des organisations qui m'en parlent d'essayer de regarder, de faire des matchs intra-équipe. La problématique qu'on a, c'est que nous, on est une ligue qui n'est pas fédérée, donc on n'est pas lié avec aucune fédération, tandis que la Ligue de la Côte-Sud, eux sont liés avec la fédération d'Hockey-Québec. Donc, ça fait un petit... on pourrait trouver une solution, un compromis là-dessus, mais pour l'instant, là, on regarde peut-être avec d'autres ligues, là, peut-être un petit peu plus loin. Mais on pourrait peut-être faire un match là, juste pour montrer un peu, démontrer le calibre qu'on a. Mais on va probablement on va en discuter là, au cours de l'AGA qui va avoir lieu au mois de mai. Puis on verra ce qu'on est capable de pouvoir faire. Puis si on veut aller de l'avant avec ça, ben j'aurais le mandat probablement de faire des approches auprès de mes collègues, le président. Tu as sûrement déjà entendu ça, petit train va loin. C'est un peu l'exemple que vous donnez, là. Tu sais, au début, je me rappelle, il y a des gens qui disent « Ah, ils vont, après 3, 4, 5 parties, ils vont fermer les ligues. » La Ligue, puis l'an passé, il y a des gens qui pensaient pas que vous allez être de retour. Puis cette année, Dominique, puis moi, on en parlait, il y a des gens qui nous appellent.